parfois. J'aimerais avoir un cœur en béton, mais je ne comprends pas les leçons de mes amoureuses déceptions. Toujours partant pour l'amour, je me jette en pâture, que les séparations sont dures. Pourtant j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, bordel, j'ai envie d'y croire. Je dois être qu'une putain de princesse qui attend son prince charmant. Voilà la gueule de la princesse. Incapable de contrôler mes émotions, je pleure comme un con et je touche le fond. Mais si j'étais un véritable cœur de pierre, pourrais enchaîner les histoires tel un cupide célibataire. Qui va me sortir du noir, recoudre mon cœur, exploser à coups de foudre. Quelle sera la prochaine histoire qui me foutra en l'air la fin de son bail. Deviendrai-je un jour un véritable cœur de pierre, un adulte dans ce putain de monde d'adultère, où ne suis-je qu'un enfant manquant d'amour éternel, à la recherche d'une histoire de cœur immortel, à la recherche d'une histoire de cœur immortel, à la recherche d'une histoire de cœur immortel.